Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine. Quand tes yeux se posent sur moi. Si la solitude te pèse, quand tu viens à passer par là, et qu'un ami t'a oublié, tu peux toujours compter sur moi. Je ne peux plus dire je t'aime sans donner ma langue à couper. Trop de serpents sous les caresses, trop d'amour à couteau tiré. Si dur que soit la solitude, elle te ramène à ton destin. La loi du grand amour est rude pour qui s'est trompé de chemin. Je ne peux plus dire je t'aime ne me demande pas pourquoi. Toi et moi ne sont plus les mêmes. Toi et moi. Pourquoi l'amour vient et s'en va. Si la solitude te pèse, quand le destin te mène ici, et qu'un ami t'a oublié, tu peux toujours compter sur moi. Et qu'un ami vienne à manquer, tu peux toujours compter sur moi.